France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1992, dans Du jour au lendemain, Alain Weinstein conviait les auditeurs à rejoindre Jacques Meunier dans sa bibliothèque, où le poète, écrivain et grand voyageur lui-même s'entretenait avec celui qui, dans la catégorie des écrivains au long cours, est l'une des références majeures, Nicolas Bouvier. Suisse comme Blaise Cendrars, Jean Buller, Ella Maillard et quelques autres écrivains voyageurs, Nicolas Bouvier, disparu en 1998, ne fut reconnu en France que tardivement. Ainsi, le premier de ses ouvrages, L'usage du monde, édité une première fois en 1963, ne rencontra son public qu'avec sa réédition chez Payot par Michel Lebris en 1992, avant de devenir depuis ce qu'on appelle un livre culte. C'est précisément l'année de cette réédition que l'on va retrouver Nicolas Bouvier répondant aux questions de Jacques Meunier. Balayant au passage l'idée reçue selon laquelle les Suisses ne seraient pas de grands voyageurs, il revenait sur quelques épisodes de ses lointains périples et racontait comment était né en lui, intimement lié à son amour de la littérature, le désir impérieux d'aller voir le vaste monde. Du jour au lendemain, dans la bibliothèque de Jacques Meunier, avec Nicolas Bouvier, une émission diffusée la première fois, le 18 janvier 1992, sur France Culture. Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Du jour au lendemain, dans la bibliothèque de Jacques Meunier. Théâtre, Jacques Meunier, ce soir, vous avez enlevé tous les livres des rayonnages de votre bibliothèque et vous avez accueilli un auteur, écrivain et globe-trotteur. Voilà, c'est une solution paresseuse peut-être, parce que je suis en train de boucler ma valise. Je pars demain à Calcutta, si bien que je n'ai pas eu le temps de faire le va-et-vient entre la campagne et Paris et rapporter cette longue suite de livres, parce que Nicolas Bouvier, il est un écrivain rare, est un écrivain qui est publié dans diverses collections. Il a une stratégie de l'édition absolument étonnante. Le même titre, par exemple, L'usage du monde, a dû connaître 4, 5 éditeurs. Oui, mais successifs, jamais en parallèle. Ça n'est pas une politique délibérée. Je vais chez qui veut bien me prendre. Oui. Mais Chronique japonaise, par exemple, a fait l'objet d'un bel album photo avec un texte, puis d'un texte qui a été augmenté. Il y a beaucoup de... Donc, si bien que les livres s'accumulent, je reçois des nouvelles de Nicolas du monde entier, des nouvelles versions, des choses qui m'intéressent. Et pour moi, bon, c'est... Nicolas Bouvier est né en 1929 à Genève. Il est de la génération, disons, des voyageurs comme Jacques Le Carrière ou Gilles Lapouge. C'est celle qui m'a précédé. Il a voyagé très tôt. Je crois, un peu avant les beatniks. Moi, je me suis mis sur les routes sitôt que les frontières se sont ouvertes. J'avais 15 ans. J'ai commencé par de petits voyages, évidemment, à la mesure de mes économies, qui étaient minuscules. Et puis j'ai appris à les financer très vite en écrivant des petits papiers hyper descriptifs sur des lieux où les journaux suisses n'avaient pas de correspondants, comme la Finlande ou comme le Sahara. Et puis, de fil en aiguille, je suis allé toujours plus loin et avec une direction privilégiée. J'ai commencé par voyager sur l'axe nord-sud entre la Laponie et le Sud-Sahara et ensuite, suite à la découverte de l'admirable musique balkanique, ça, c'était très déterminant pour moi. Ça a été l'Est pendant plus de 30 ans, toujours plus loin à l'Est. Et j'ai dû bien passer 13 ou 14 ans de ma vie dans différents pays d'Asie. Boris Vian, qui ne dit pas beaucoup de bêtises, en a pourtant dit une, à savoir que les Suisses se rendaient à la gare et ne partaient jamais. Alors c'est la seule bourde que je puisse lui reprocher dans une œuvre que j'aime énormément. Et, mais là, il s'est tout à fait planté, d'ailleurs, comme Victor Hugo, lorsqu'il écrit que le Suisse tresse sa vache et vit paisiblement. C'est un alexandrin, d'accord, mais ça n'est pas le meilleur, et ça prouve qu'il était très mal informé, parce que les Suisses sont la nation la plus nomade d'Europe, juste derrière les Tziganes. Un Suisse sur cinq vit à l'étranger, a fait sa vie à l'étranger. Ça, on ne le sait pas du tout. On accrédite une image du Suisse sédentaire avec de la glaise au sabot. En fait, j'ai rencontré des Suisses dans les endroits les plus bizarres où j'ai pu me rendre. Et autrefois, il y avait les précepteurs. Alors c'est une très longue tradition, c'est ce qu'on appelle chez nous la bougeotte, je ne sais pas si c'est un terme français. Cette marotte d'aller et venir, elle est très très ancienne, ça remonte au 15e siècle. Enfin, ensuite ça a été suivi par l'exil forcé du mercenariat, du service étranger, et puis il y a eu enfin un exil beaucoup plus doux, parce qu'il était choisi, qui était celui des pédagogues. Mais je ne sais pas si cette passion pédagogique nous a si bien réussi. Mais ça a quand même ouvert beaucoup d'esprit en Suisse, dans des fermes du Gros-de-Vaud, de modestes appartements de la Chaux-de-Fonds. Vous trouvez des cartes de la présidence de Smolensk ou de la cathédrale de Danzig, parce qu'une fille de fermier a été préceptrice de gosses de riches. Et il y a eu, il ne faut pas les oublier, il y a eu Jean-Jacques Rousseau, il y a eu Sandras. Alors, dans les lettres, il y a tout aussi une tradition de nomadisme tout aussi forte. Nomadisme de petite ou de grande amplitude. Petite amplitude, c'est le vélo de Charles-Albert Saint-Gria. Et les voyages planétaires, c'est Sandrart. Mais pour moi, ça ne fait aucune différence parce que le voyage est un état d'esprit. Ça n'est pas une question de kilomètres. Moi, j'ai mis 3 ans à gagner le Japon de Genève. 3 ans, j'allais plus lentement que les frères Polo. Eh bien, c'était comme 400 tickets de métro mis bout à bout. C'était 400 petits voyages cousus ensemble. Et alors, la famille Bouvier, qui a l'air du côté de la mère un peu sévère, qui a l'air d'une morale plutôt puritaine, disons genevoise, comment elle a accepté ce poids sauteur du Mexique? Écoutez, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une éducation qui était à la fois bon, de style huguenot, on sait ce que ça représente, et huguenot calviniste, c'est bien pire que les huguenots français qui ont une certaine joie de vivre que Michelet a très très bien senti lorsqu'il a décrit la famille de Coligny. Ça. C'est Michelet qui m'a fait aimer le protestantisme sur le tard. À Genève, c'est plus étriqué et plus sévère, mais j'ai eu une très grande chance, c'est que mon père était un fonctionnaire municipal qui n'avait pas pu voyager autant qu'il l'aurait souhaité. Et il m'a poussé dehors, littéralement, à un moment où il n'était pas du tout question de voir sur les routes des gamins de 15 ans. Et comme les Suisses, vous le savez, ne sont pas très précoces, à 15 ans, j'avais l'air d'en avoir 12 ou 13. Si bien que quantité de braves gens m'ont pris sous leur aile, ces débuts de vie nomade ont été extrêmement facilités aussi par la chaleur qui existait dans cette Europe en braise, en cendres, mais où les gens recommençaient à espérer. C'était la fin d'un cauchemar, les gens étaient extrêmement fraternels, et j'ai été admirablement accueilli partout, aussi en raison de l'air d'extrême jeunesse que j'avais. Mais enfin, bon, moi je serais parti de toute façon, mais c'est beaucoup plus facile de partir avec la bénédiction paternelle. Je me souviens que le premier voyage un peu risqué que j'avais préparé en secret, c'était de partir pour la Laponie. J'avais 17 ans, tout le monde pensait que la Finlande était sous la botte soviétique, ce qui en fait n'était pas du tout le cas, mais on était très mal informés. Et je lui dis, écoute, à la veille du départ, j'ai tout arrangé, je pars demain pour la Finlande. Il m'a fait entrer dans son bureau, il a refermé la porte sans aucun bruit, ce qui est toujours l'indice d'explication désagréable. Et puis, il s'est contenté de me dire « rapporte-moi de jolis timbres ». Alors moi qui étais déjà prêt à me défendre et à me battre, j'ai été très désarçonné par cette espèce de candeur. Et effectivement, dans tous les voyages que j'ai pu faire par la suite, je lui ai toujours envoyé des timbres non affranchis. Je faisais les bureaux de poste. Il n'y a pas une histoire d'image dans vos souvenirs d'enfance? Il me semble que dans les paquets de café, ou surtout dans les chocolats, puisqu'on est en Suisse, on trouvait des images du monde entier et qui formaient des albums didactiques. Oui. Est-ce que vous n'avez pas découvert un peu le monde en mangeant, en bouffant du chocolat? Je déteste le chocolat, mais je le faisais manger à mes grandes et belles cousines. Je gardais les vignettes, où effectivement c'était des vignettes de type missionnaire qui faisaient rêver avec des joncs aux voiles rapiécées comme des pantalons de tziganes, des tigres dans la jungle, le palais du roi de Siam, le Nil bleu. Bon. On voit ça, on rêve, et un jour on y va. Et puis la lecture des atlas aussi. Moi, je lisais à 8 ou 9 ans les atlas comme des polars, vraiment, pendant les longs jeudis de pluie, parce qu'on a une météo dégueulasse à Genève et du temps pour la lecture quand il n'est pas pris par l'école. Moi, c'est la lecture qui m'a mis sur les routes. Parce que, mettez-vous, au début des années 30, il n'y avait pas de télévision, à peine de radio. Enfin, la radio était jugée subversive dans mon milieu bourgeois parce que c'était une nouveauté, donc on ne l'avait pas. Et alors on lisait comme des malades. Et suite à une erreur de tir ou de jugement de la génération de mon père, tout ce qui était littérature d'aventure était considéré comme littérature enfantine. Alors on mettait en vrac dans des collections aux couleurs de layette, rose ou verte ou bleue, tout Stevenson, y compris Dr. Jekyll and Mr. Hyde, qui n'est pas exactement une histoire pour les marmots, sans censure aucune. Des bouquins terrifiants comme Jack London, Le Vagabond des Étoiles de Jack London, ce bouquin terrifiant. Oh là là. Tout Kerwood, tout Jules Verne, bien sûr, y est passé. Jules Verne peut être mis entre toutes les mains. Tout Dumas pour le plaisir de l'histoire. On lisait la moitié de la nuit, on avait les yeux cernés jusqu'à 15 ans. Mais évidemment, on s'informe et puis ça développe une curiosité immense. Mais le rôle des gravures sur acier et des vignettes a aussi, lui aussi, été très important. Et un jour, vous avez choisi de faire le pas, le grand voyage. C'est dans les années 50. Oh, c'est une décision que j'avais cuite et recuite pendant longtemps. Je m'étais engagé dans des études qui m'intéressaient beaucoup. Je voulais donc quand même les terminer. Mais études de droit. J'ai fait du droit et des lettres, sans devenir ni tabellion ni prof. Mais je sais pas, ça m'a aidé toute ma vie, et puis j'en ai un très bon souvenir, j'ai fait ça dans de très bonnes conditions. Mais là, il y avait deux manques, si vous voulez, j'ai fait des lettres, ce qu'on appelait lettres-histoire, et on avait, dans les années 50, à la fin des années 40 plutôt, dans l'université occidentale, une conception encore extrêmement européocentrique de l'histoire. Et moi, j'ai fait une licence d'histoire qui était difficile, qui était exigeante, sans entendre une heure de cours sur, par exemple, la civilisation des Mogols. Pas une heure de cours sur la conquête de la Sibérie. Quand même, si vous prenez une map monde, à côté de ça, le fameux Westward Ho américain, c'est un simple pique-nique, je veux dire. Bon, c'était plus dur parce qu'il y a eu une guerre contre les peaux rouges. Il n'y a pas eu de guerre contre les Ostiaques ou les Yakouts ou les... Mais rien. Alors, ce silence de l'Asie me gênait beaucoup et ben, j'ai fait un peu comme Gorky. Je suis allé prendre mes universités sur les routes en allant toujours plus à l'Est. Un peu un apprentissage à l'inverse de ce que j'avais vécu, parce que deux licences en parallèle, c'est beaucoup de bouquins qu'on dévore et qu'on absorbe. Un peu une connaissance par la plante des pieds, parce que pendant 4 ans, je n'ai presque pas lu. Je crois que j'avais le seul livre que j'ai lu, c'est Le Barbare en Asie quand j'étais en Inde, et puis j'ai relu Montaigne quand j'étais à Ceylan. Autrement, je n'ai presque pas lu. Mais j'ai vu des paysages, croqué des oignons de toute taille, essuyer sous diverses latitudes les mouches à merde qui voulaient m'éponger les yeux. Ça, c'était vraiment ce que les Allemands appellent Bildungsjahr, des années formatrices. Et lorsque je suis arrivé au Japon, au bout de 3 ans de route, eh bien, je crois que j'étais parti tout à fait adolescent, et je crois que je suis arrivé jeune homme. Alors, il y a plein d'histoires, évidemment, ce livre, L'usage du monde, qui est, chez les voyageurs, est devenu une sorte de livre culte, et bourré d'histoires, et dont celle qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est la perte du manuscrit. Parce que, au fil de ses voyages, Nicolas Bouvier écrit son journal, mais Il arrive un jour, un moment, quelqu'un de trop zélé, qui fait le ménage à fond, jette le manuscrit de Nicolas, et ce manuscrit se retrouve dans un dépôt d'ordures. Ah, et j'aurais souhaité qu'il s'y retrouve. Je suis allé le chercher dans un dépôt d'ordures dans le désert Baloutch, 25 kilomètres au sud de Quetta. C'était en juillet. C'est un des déserts les plus chauds du monde. Je laisse à penser les odeurs sulfureuses qui montaient de ce dépôt dégueulasse. Mais où il ne restait rien de bien substantiel parce que tout avait déjà été écrémé par des vagabonds, des clochards, ensuite par des vautours. Et je n'ai retrouvé que l'enveloppe parce qu'évidemment, 30 feuilles de bon papier à 4, ça sert à remplacer des carreaux. Je veux dire, ça n'est pas une chose qu'on laisse traîner, c'est un trésor. Oui, alors j'ai remarqué, bon, à partir de ça, ça c'est la première expérience, on voit Nicolas Bouvier en train de fouiller les ordures à la recherche de son manuscrit, puis après, dans le livre qui s'intitule « Chronique japonaise », vous vous retrouvez encore une fois dans les ordures, je me dis, ce Suisse est très curieux quand même, j'imaginais les Suisses très propres, mais voilà, Nicolas se cache derrière des poubelles. Avec des clochards, et avec son appareil photo, il guette. Il y a devant lui une sorte de trottoir surélevé. Il y a un mur avec des champignons, des taches d'humidité, et qui forment un petit peu un décor naturel. Ça formait une scène de théâtre extraordinaire, voilà. D'autant plus que pour une raison que je n'ai jamais comprise, le trottoir était surélevé de 50 centimètres. Ça faisait comme une scène avec deux rampes. Ce mur foisonnait de salpêtre qui en faisait comme vraiment les festons d'un rideau de théâtre, et les gens qui passaient là-devant avaient l'air de jouer à une sorte de petit théâtre du monde. Alors moi je me suis caché dans cet tas d'ordures, pas par misérabilisme ou goût des tomates gâtées, mais parce que je voulais ne pas être vu, c'est-à-dire je ne voulais rien enlever à la candeur de ce spectacle. Et d'ailleurs cette ordure m'a conduit à une sorte de fortune, parce que j'ai vendu les derniers livres que j'avais pour acheter de la pellicule. Ces photos ont un grain énorme parce qu'on m'avait vendu des films Milford qui étaient tombés dans la mer lors d'un déchargement, donc à très bas prix. L'émulsion avait un peu souffert. Ça faisait des photos très bizarres, comme un trucage artistique. Et je suis allé les montrer au plus grand journal culturel, le plus grand magazine culturel qui prenait de la photo de Tokyo, qui s'appelle le Bungei Shunju. Et les gens n'ont simplement pas voulu croire que ce mur existait. Ils ont pensé que c'était de ma part une mise en scène et que j'avais fait ça dans un théâtre. Alors j'ai dit, mais non, pas du tout, c'est à Kazumicho. Alors on s'est embarqué avec la rédaction dans 3 taxis, parce qu'ils continuent à ne pas me croire, pour juger sur pièce, et ils m'ont acheté ces photos aux 1 000 $ de l'époque. C'était encore le dollar à 4 francs 30 suisses. Si bien que j'ai pu revenir, j'en avais un peu marre après 4 ans de soupe aux cailloux, j'ai pu revenir vers l'Europe en bourgeois, sur un paquebot français sur lequel j'avais fait les travaux les plus ignobles pour arriver jusqu'au Japon. J'étais vraiment à fond de cale à faire des petits boulots répugnants. Et ça, c'était une aventure très amusante, d'autant que Nagui Bounasser, je ne sais plus lequel, avait eu le bon esprit de fermer le canal de Suez et qu'on a fait le tour de l'Afrique aux frais de la compagnie. Un contrat de transport est un contrat de transport. Mais quand je parle de du côté sordide, enfin, je pense aussi au café avec les lampes acétylène, au bordel, qu'on fréquente souvent dans les livres de Bouvier. Dans le Poisson Scorpion, alors là, on touche le fond d'une ruelle au sud de Ceylan, où il se passe des choses incroyables. C'est bourré de jeteurs de sorts, et puis il y a toujours ce grain de neurasthénie. Ah, ça, c'est qui court entre les lignes. Vous savez, tout ne se passe pas toujours bien en voyage. Et ça, y a beaucoup de récits de voyage m'agacent par une sorte d'optimisme à la Pangloss. Ça n'est pas du tout une activité innocente. Moi, j'y ai laissé une partie de ma carcasse, toutes les dents, la moitié de mes jambes. Je ne suis pas du tout sorti. J'ai eu une vie très intéressante, mais je n'en suis pas du tout sorti indemne. Donc ça, ce ne sont pas des choses qu'il faille gommer. On peut avoir des coups de malchance, et si on n'a pas gardé un atout dans sa manche, eh bien on meurt, on ne revient pas. Et moi j'ai vu des types mourir comme ça. Donc tout ceci existe bel et bien, et moi je ne le fréquentais pas du tout par goût. Mais simplement il y a des moments où je n'avais presque pas d'argent, et où je n'ai jamais été ni mendigo, ni picassiette, ni clochard, parce que au Japon, vous avez le droit d'être pauvre, mais vous n'avez absolument pas le droit d'être sale. Donc le peu d'argent que j'avais, je le gardais pour avoir chaque jour une chemise propre et passer chaque soir au bain public. Mais bon, j'ai vécu des moments de disette, c'est vrai. Il vous est arrivé de faire des petits métiers, plein de petits métiers, en particulier de donner des leçons de piano. Vous êtes pianiste ? Vous êtes musicien ? Je n'ai pas vraiment donné des leçons de piano. Non, j'ai hésité à 19 ans entre le piano et l'université. Je n'avais pas de très bons doigts, je n'ai pas eu le courage de me lancer dans une carrière de soliste. Je crois d'ailleurs que j'ai bien fait. Puis je ne me repens pas du tout des études que j'ai faites. Je les ai faites avec grand plaisir. J'ai fait des tas de petits métiers. Parce que si vous cherchez du travail sur cette route d'Asie, bon, je vous parle d'il y a 35 ans maintenant, mais vous en trouviez toujours. Il n'y avait personne sur cette route. C'était 13 ans avant Kerouac, 13 ans avant la Beat Generation. On ne parlait pas de la route du hache. Naturellement que les camionneurs afghans et persans fumaient l'opium, mais de la même façon que les Indiens des Andes mâchent des feuilles de coca. C'était pour se donner la force de faire ces étapes épouvantables du désert. Alors les Tchaïranais, les caravansérais puaient l'opium, ça c'est vrai. Mais ça ne faisait pas du tout l'objet d'un trafic. Le problème de la drogue n'existait simplement pas. Et puis, autre différence, il n'y avait personne sur ces routes. J'ai quitté l'Iran par le sud, à la frange du désert Baloutch, par un petit poste qui est vraiment le cul du monde, qui s'appelle Mirjaweh, complètement perdu dans les sables. Et pour avoir des charges de notre sortie d'Iran, on nous a fait signer dans un registre de toile noire, grand comme une petite valise, et j'ai signé 26 lignes en dessous d'Orelstein, l'archéologue anglais, qui était passé là en 1926, et moi je passais en 1955. Ça faisait deux passages par an. C'est tout dire. Il m'est arrivé d'aller récemment en Kirghizie, et je crois que j'étais... l'un des premiers voyageurs à revenir sur cette frontière chinoise où avait été votre amie Ella Maillard, la grande voyageuse suisse. Et les gens encore là-bas s'en souviennent, curieusement, du passage d'Ella Maillard. Vous voyagiez dans ce premier voyage, long voyage, qui est plutôt une suite de séjours, hein. C'est-à-dire que nous étions nomades l'été et sédentaires l'hiver. Voilà. Alors on n'avait pas toujours le choix de la ville où on passait l'hiver. Par exemple, nous sommes arrivés, nous voulions passer l'hiver 54 à Téhéran, parce qu'à Téhéran, il y avait à l'époque une grande bourgeoisie francophone, très accueillante, à laquelle j'aurais pu peut-être placer des produits culturels. Vous voyez que la naïveté d'un jeune étudiant et mon ami Vernet vendre des dessins ou des toiles. Donc c'était ça notre projet. Nous sommes arrivés à Tabriz un 7 novembre et l'hiver est venu d'un seul coup dans la nuit. Eh bien, il n'y avait plus moyen de retourner sur la Turquie. Il n'y avait aucun moyen d'aller sur Téhéran avec cette voiture. Eh bien, on a passé 6 mois à Tabriz. On a attendu que la neige fonde. Vous avez presque échoué sur le mont Arara. Presque. Comme Noé. Si la neige avait été plus abondante, enfin, il y en avait déjà 2 mètres, mais ça suffisait, ça avait fermé l'école, c'était... Et votre véhicule, c'était quoi? C'était une Fiat Topolino, ça n'existe plus, ce serait une voiture de collection aujourd'hui, c'était la plus petite Fiat jamais produite. Alors, comme j'ai eu la paresse d'apporter des livres aujourd'hui, j'ai envie de demander à Nicolas Bouvier de nous parler de sa bibliothèque. Alors j'ai quelques orientations, parce que je sais bien que, par exemple, si je lui dis Henri Miller, il va me dire quelque chose autour d'Henri Miller, en particulier de ce recueil de nouvelles qui s'appelle Printemps noir. Ah, vous oui. avez un attachement particulier pour Printemps noir. Oui, moi j'aime beaucoup Miller, j'aime beaucoup sa personne aussi. Dans ses textes, il est très inégal. Il y a des pages superbes qui sont suivies vraiment de pages qui cafouillent complètement. Mais dans Printemps noir, il y a un petit récit... dont j'ai fait une sorte de panacée contre le spleen. C'est un petit récit qui s'appelle « Je porte un ange en filigrane »« The angel is my watermark » où Miller est à Paris, seul, vivant de la charité de quelques putes, avec son ami Perles, et où il se met tout d'un coup en tête, il n'a presque rien écrit encore, et il se met tout d'un coup à prendre des notes. Il revoit une de ses tantes qui était devenue folle à New York. Il se met à prendre des notes et il y a une véritable hémorragie. Toute sa vie lui revient comme volée de mitraille dans le bréchet, et puis pour arrêter cette espèce de d'hémorragie, de graphomanie, parce qu'il commençait à craindre pour sa santé, enfin tout le parquet autour de lui est couvert de fiches inscrites à la hâte, gribouillées à la hâte. Il se met en tête de dessiner un cheval. C'est très très difficile de dessiner un cheval. Et c'est l'histoire de son échec, parce que ce cheval se transforme successivement en hamac, en musette, en metwurst, et finalement au piano à queue. Et c'est 26 pages d'une gaieté torrentielle sur l'échec. Et moi j'aime beaucoup la morale de l'échec. Je trouve qu'on en manque énormément en Occident. Au Japon, il y a une morale de l'échec qui est très très bien mise au point, qui régit d'ailleurs une partie des préférences japonaises. Tous les grands héros populaires sont des vaincus, pas un seul vainqueur. Les vainqueurs ne sont pas très intéressants. Oui, alors Miller, j'ai donné ce texte au moins 10 fois à des gens qui déprimaient, et toujours, alors avec un effet thérapeutique absolument certain. Et puis, si on prend Miller en voyage, je trouve que dans le Colosse de Maroussi, il y a quelques pages sur le bonheur grec qui égalent les plus belles pages de la carrière. On dit que vous avez lu le Tao Te Ching de Lao Tzu au moins 50 fois. C'est vite fait, c'est un livre de 25 pages. Oui, parce que je crois qu'il faut le lire 50 fois pour le comprendre. Parce que c'est pas par hasard que Lao Tzu est dans le petit Larousse juste à côté de la Palisse. Parce que Lao Tzu, il ne cesse de dire des espèces d'évidences, mais que les gens ont complètement oublié. Alors, ce sont parfois des évidences au second degré ou au troisième degré. Donc, c'est un texte qu'on peut reprendre très souvent. Et puis, alors, il a une vertu qu'on ne célèbre pas assez. Il est extrêmement drôle. Il est extrêmement drôle. Vous dites de Montaigne qu'il a la gaieté, enfin, la fraîcheur d'une botte de croissant. C'est une drôle de manière de traiter les classiques. Bon, pour moi, Montaigne n'est pas un classique. C'est un homme qui s'amusait de tout, qui touchait à tout, pour lequel il n'y avait aucun tabou quelconque. Par exemple, dans quelques vers de Virgile, il y a un passage sur des graffitis érotiques qui est absolument à mourir de rire, qu'il a vu dans l'escalier de l'arsenal de Brest. Ils y sont encore, d'ailleurs. Ils ont été photographiés, je crois, par Brassailles. Vous avez quelques Suisses dans votre bibliothèque. Max Frisch ? J'aime bien chez Max Frisch l'ambiguïté de la Suisse. C'est un auteur qui exprime très très bien ça, parce que contrairement à l'image qu'on accrédite d'un pays absolument net et propre, la Suisse est un pays extrêmement trouble, avec une espèce de fermentation sous ce vernis martin du comme il faut, une sorte de fermentation qui en fait de l'intérêt. Pour moi, c'est un pays beaucoup plus, je dirais, bergmanien que bergsonien. J'aime bien Frisch, j'aime beaucoup le Frisch de Monsieur Bonhomme et les Incendiaires, qui est une pièce proprement terrifiante. J'aime beaucoup Sandrard. Davantage la poésie que l'œuvre en prose. Je trouve que l'œuvre en prose a vieilli, mais quand vous reprenez les poèmes de Sandrard, certains qui sont d'ailleurs franchement découpés dans l'œuvre de Gaston Le Rouge, qui sont de simples collages, ils n'ont pas du tout vieilli. Ils gardent une espèce de spontanéité. C'est vraiment carpe diem, c'est vraiment vivre l'instant. Et puis, comme grand Suisse, j'adore Thomas Platter, cet humaniste du XVIe qui a parcouru l'Allemagne et la Pologne sans chaussures, comme tout petit gamin, et qui est devenu ensuite l'éditeur des humanistes et un citoyen très respecté. Ça, ce sont des espèces de vies picaresques qui m'intéressent énormément. J'aime énormément Paracels, qui était un marcheur éperdu, frénétique, et dont les voyages font absolument tourner la tête. Il y a toute cette tradition d'errance en Suisse qui a donné des textes très intéressants. D'ailleurs, les plus belles pages des Confessions sont des textes de Rousseau sur la marche, le bonheur de la marche, le bonheur spirituel qui retire de cet exercice. Et ça n'est pas du tout un secret pour les nombre de sectes orthodoxes ou bouddhiques considèrent que l'espèce de métronome de la marche vide l'esprit, que la marche a un côté litanique et purgatif qui est spirituellement très à rechercher. Et c'est vrai d'ailleurs que la fatigue physique, quand elle n'est pas due à une maladie, amène à des instants d'illumination. Ça, n'importe quel voyageur le sait, vous le savez aussi bien que moi. Il y a un livre aussi qui, et c'est rare pour un livre, qui a failli casser votre vie de famille. Et vous m'avez parlé une fois, et vous en parlez encore avec beaucoup d'émotion, c'est le livre d'Elia Kazan. Oui, c'est un livre atroce qui s'appelle L'Arrangement, dont Kazan a d'ailleurs tiré un film superbe. Et ce film, je me garderais bien d'aller le voir. Moi, j'ai lu ce livre dans des circonstances très bizarres. Je parcourais la Suisse comme photographe pour faire des prises de vue dans tous ces petits musées locaux qu'on appelle Heimatsmuseen en Suisse. Je photographiais de l'art populaire. Donc, j'étais toujours avec une voiture vide parce que j'avais 50 kilos d'appareils dans le coffre. On pouvait pas prendre le train. Et je prenais beaucoup d'autostoppeurs. Et une fois, sur une petite route perdue du canton de Vaud, je vois sortir du bois. Cette route était bordée de profondes forêts. Un type en costume de ville, mal rasé, il m'arrête, il monte dans la voiture qui se remplit immédiatement d'une forte odeur de calvados. Et il m'explique que c'était un réfugié tchèque qui avait quitté la Tchécoslovaquie après 68, qui était devenu alcoolique, qui avait été soigné par une psychiatre spécialisée dans le traitement des alcooliques, qui l'avait épousé, qui avait cessé de boire. Mais comme certains tziganes devenus sédentaires qui font une virée d'une semaine pour célébrer leur passé nomade, il prenait une cuite d'une semaine une fois par an. Et il était sorti d'un bistrot d'Yverdon à la nuit et il s'était égaré dans la forêt. Il y était resté 3 jours. Il ne trouvait pas la sortie. Et alors il m'a raconté toute cette saga et puis je le pose à Moudon devant un café. Il voulait encore boire un coup. Et j'étais arrêté par un passager niveau fermé. Je croyais m'être débarrassé de ce bonhomme. Tout d'un coup, il tape à la vitre et puis je la dessine, il me dit, est-ce que vous lisez parfois? C'est une question qui m'a un peu vexé. Je dis, ouais, enfin, ça m'arrête. Il m'a dit, lisez l'arrangement d'Elia Kazan. Vous comprendrez mieux mon histoire. J'ai tout à fait oublié ce conseil. 2 ans plus tard, je vois ce bouquin au présentoir d'un marchand de tabac. On voit Faye Dunaway qui jouait dans le film, qui hurle. C'est une couverture qui est très impressionnante. J'ai acheté ce livre. Ce livre est tellement affreux que j'ai failli quitter ma famille. J'ai eu pendant 3 semaines, j'ai pas ouvert mon courrier, j'ai mis des chemises dans un sac et je me suis dit, tu pars ou tu pars pas. Et ça n'était pas du tout pour une autre femme, je veux dire, je n'avais pas du tout à me plaindre des miens. C'est l'histoire d'un personnage qui tout d'un coup, en pleine réussite, se taxe d'imposture, plutôt rencontre une jeune femme qui le taxe d'imposture et qui se met à détruire sa vie à la hache. Pour trouver son vrai moi, ça n'existe pas le vrai moi. À la fin du livre, il a détruit tout autour de lui et il se trouve minable au propriétaire d'une pompe à essence avec cette maîtresse qui a vieilli. Enfin, c'est un livre atroce. Mais c'est un livre qui vous donne le sentiment d'être un imposteur. Il y a des livres qui sont très dangereux. Alors, on le conseille ou on le déconseille? Ah, il ne faut pas le lire. Dans le journal d'Aran, qui est le dernier livre que vous avez publié, il y a un texte qui se réfère au titre, puisqu'il y a plusieurs lieux dans ce journal. Mais à Aran, vous y avez été, vous n'avez rien vu. Ça a été étonnant, ce voyage. Vous débarquez, vous allez y prendre des photos, d'ailleurs, je crois, et il n'y a que du brouillard. Non seulement du brouillard, cette île était complètement éteinte par les tempêtes atlantiques de février. C'était en 85, vous vous souvenez que l'Europe a été couverte d'un épais manteau de neige. Pas de neige à Aran à cause de l'Atlantique qui l'entoure, mais un vent de 14 Beaufort qui faisait que les gens restaient chez eux. Moi, en 2 semaines, j'ai rencontré 11 personnes, un énorme cheval, et puis quelques oiseaux de mer qui avaient été rabattus là par la bourrasque et qui avaient l'air très mécontents d'être éloignés de chez eux. Donc c'était un contexte assez maussade. J'ai bien été obligé de faire mon article sur ce rien. C'est Géo qui m'avait envoyé là-bas. Alors j'ai fait un papier un peu plus métaphysique que ce dont Géo a l'habitude. Mais enfin, il y avait là un rédacteur tout à fait amical qui a eu le culot de publier ce papier sur rien. Et ça a beaucoup plu aux Irlandais, chose bizarre. Il y a même une scène assez étonnante, c'est que finalement, dans un pub, vous réussissez à entrevoir une photo possible. Il y a 4 buveurs de bière qui sont complètement échoués sur leur table, qui ne bougent pas. Et vous dites, malgré peu de lumière, je vais installer un pied, je vais faire une pause. Et là, je vais avoir une sorte de tableau hollandais, quasiment, avec des lumières en contre-jour, avec des effets de bougie. Et quand vous faites clic, justement, les types s'étirent et bougent. Oui, j'ai une photo infecte, c'était une espèce de bacon, une sorte de Francis Bacon. Et c'est certainement le seul mouvement qu'ils aient fait de la journée. Non, ça, c'est un voyage qui s'était placé sous une mauvaise étoile, mais ça arrive et Je me suis senti ensuite, pour Géo, j'avais fait quelques pages, mais je me suis senti ensuite presque obligé de revenir sur cette bizarre expérience qui était un peu hallucinée, parce que j'avais là-bas attrapé la typhoïde. Alors ça vous donne des fièvres très très fortes la nuit. Et la journée, je me nourrissais de vent, je ne pouvais pas manger, j'avais les gencives enflées, comme quand on a assez fortes fièvres. Et la journée, je me baladais dans cette île à peu près déserte. C'était une expérience très étrange. Alors c'est vrai, vous êtes suisse, on l'a dit, on l'a répété, mais vous avez en plus le culte de la lenteur. Alors, il suffit de voir la date de parution de vos livres. Il vous arrive de publier un voyage 15 ans après, au fond, 15 ans d'incubation pour écrire un voyage. Parfois plus, et parfois moins. Arrange l'ai écrit 5 ans après l'avoir vécu. Bon, à Arrange, j'avais pris des notes parce que j'avais un mandat quand même. Donc, je me suis beaucoup renseigné sur le passé de l'île, son histoire, la contrebande de whisky, la circulation des chevaux entre l'île et la province du Connemara. Là, il y a quand même tout un folklore qui est très, très intéressant sur les fées, les trolls. Ça, je l'ai écrit plus vite. Mais par exemple, j'ai écrit un livre sur Ceylan, 23 ans. Et là, il m'a fallu attendre 23 ans tellement... Il m'était pénible de revenir sur cette année qui avait été un échec total, enfin au bord de la démence. Alors j'ai attendu que le vin se fasse et que ça se calme, et puis j'ai pu retourner dans cette espèce d'incubateur dégueulasse où j'avais manqué de devenir fou. Alors là, vous évoquez le poisson scorpion, oui. Qui est une sorte de robinsonnade noire. Négative, oui. Oui, négative. C'est l'histoire d'un homme seul qui s'enlise dans une rue perdue, une rue du bout du monde, on pourrait l'appeler, hein, et qui est enfermé dans sa chambre, on le voit souvent. On a comparé ce roman à la nausée de Sartre. Oui, là, je crois que je me souviens que le journaliste... C'était Michel Conta. Michel Conta, je crois qu'il mêle Sartre à tout. Il a beaucoup aimé ce livre et il avait fait un papier superbe, mais moi, je vois peu de rapport avec la nausée, quand même, parce que... C'est-à-dire que dans la nausée, il y a ce grain de neurasthénie, mais il y a aussi les crustacés. Chez vous, ce sont des insectes. C'est vrai que vous vivez dans une pièce miteuse... avec des tas d'insectes qui courent partout. La différence, c'est que dans Sartre, c'est crustacé, ne foutait rien, tandis que mes insectes étaient débordants d'énergie. C'est pour ça que je les observais avec tant de sympathie, parce que j'étais entouré de gens qui ne foutaient absolument rien. À cause du climat, on ne peut pas les juger, moi. Deux ans dans ce climat, je deviens absolument paresseux et inactif. Tandis que les insectes, ils étaient pleins de projets et de bagarres et de conspirations. Ils ourdissaient tout le temps des choses. C'était un remue-ménage absolument fantastique. Ça m'a sauvé d'ailleurs, ça m'a sauvé d'observer ces petites bêtes. Mmh. Et le poisson scorpion, le titre est à double entrée. Il fait référence à la fois au poisson scorpion. Expliquer ce que c'est. C'est un très très beau poisson tropical qu'on trouve dans les récifs coralliens. Qui a de grandes nageoires qu'il déploie en parapluie, c'est comme les voiles d'Isadora Duncan, avec des arêtes très venimeuses. C'est pas du tout un poisson qui attaque l'homme, mais si on le frôle ou si on lui marche dessus, on est malade pendant plusieurs jours. Mais c'est une bête superbe, et j'en avais un dans un bocal que j'observais avec une certaine mélancolie, et puis le titre est double parce que je suis poisson, et alors que j'étais là-bas pour mettre le comble à mon bonheur par-dessus de la malaria, l'hépatite, etc. Je me suis fait ditcher, comme disent les Anglais. Je me suis fait larguer par une Allemande que j'avais la prétention de conserver à distance, comme ça, ce qui était un peu nigaud de ma part. Qui vous a envoyé son carton d'invitation. Qui m'a envoyé son invitation à son mariage. Oui. Oui. Mais vous évoquez là le poisson, le signe astrologique. Vous croyez à l'astrologie? Je ne crois pas du tout à l'astrologie prévisionnelle. Je crois à ce qu'on appelle la physionomie des signes et des ascendants. Si vous voulez, je crois à j'aime l'astrologie comme une grille d'interprétation poétique du monde. Et je crois effectivement qu'il y a des points communs chez les natifs du même signe. Mais je ne me fais jamais tirer les cartes ni lire les lignes de la main. Je préfère avoir la surprise. Oui, c'est vrai, parce que je sache quand un avion tombe, toutes les victimes ne sont pas du même signe. Hein. Non. C'est assez rare. Effectivement. Hein. Le Poisson Scorpion, c'est un livre qui a d'abord été publié chez Gallimard. Non, il a d'abord été publié chez un excellent éditeur roman, qui a été un des saluts de la littérature suisse romande, qui s'appelle Bertil Galland. Il a cessé d'éditer maintenant, mais il a édité des centaines de titres, très courageusement, sans faire de bénéfices, en faisant toujours de très jolis livres objets, ce qui pour moi est une chose extrêmement appréciable. Et puis c'est grâce à lui, je pense pas du tout que Gallimard se serait intéressé à ce livre, mais comme Galland était dans le conseil d'administration de Gallimard, il a obtenu qu'au moins une ou deux personnes le lisent, et puis ensuite c'était parti. Et on a le sentiment que c'est un livre qui est écrit comme un poème, phrase par phrase. C'est plutôt écrit comme une sonate, parce que pour moi la musique a une énorme importance. Si on me donne une seconde vie, j'aimerais bien être justement pianiste de concert, mais alors avec de meilleurs doigts. Et j'écoute très souvent de la musique en écrivant, très très souvent. Et là, j'ai dédié ce livre à Claude Debussy parce que lorsque j'avais le blues dans cette petite ville tropicale qui s'appelle Galles, qui est à la pointe sud de Ceylan, me revenaient en tête des souvenirs de jours plus heureux. Une année plus tôt, je travaillais avec des archéologues français sur une fouille dans le Turkestan afghan, dans un pays magnifique, avec des gens absolument excellents et charmants. Et on vivait sous tente, on avait un petit électrophone, et c'est là que j'ai découvert le premier quatuor de Debussy, qui a un côté extrêmement lancinant. Et quand j'étais à Galles, malade et seul, j'avais cette musique dans la tête, presque comme un garde-malade au chevet d'un moribond. Et quand je me suis mis à écrire ça 25 ans plus tard, j'ai toujours eu ce disque sur la platine, et je l'ai peut-être écouté 200 fois. Et j'ai construit mon récit un peu comme une sonate, avec des thèmes amorcés, des thèmes poursuivis, des codas, des retours. Et alors, sans dévoiler la mécanique du roman, vous êtes donc pris au piège d'une rue sordide, vous êtes absolument hébété, vous n'avez pas de projet, et puis comment vous allez prendre conscience de votre situation? Comment, d'un seul coup, vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais ici, comme disait Rimbaud, écrivant à sa famille d'Éthiopie, il disait, qu'est-ce que je fais ici? Bruchette Wynne a repris le titre dans son dernier recueil d'articles, qu'est-ce que je fais là? Comment ça vous est venu, cette conscience d'être le clochard d'Isé de l'endroit? Vous savez, au début, lorsque je suis arrivé, j'étais en bonne santé et tout, pharo. Et je ne me rendais pas du tout compte que cette île n'était pas faite pour moi. Parce que je crois alors très, très clairement qu'il y a dans la géographie des endroits qui vous en veulent et qu'il faut quitter à tout prix, et immédiatement. Là, je suis resté juste peut-être une semaine de trop. Et ensuite, la malaria est revenue, l'hépatite. J'étais trop faible pour prendre des décisions énergiques. Et puis j'ai senti cette ville me démolir petit à petit par l'intérieur, à cause d'un climat de magie noire qui est extrêmement déplaisant, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne fait vraiment aucune différence. C'est odieux d'être entouré de gens qui jettent des sorts à tour de bras. Enfin, vous y étiez devenu un blanc rouillé, un blanc foutu, comme on dit quelquefois en Afrique. Tout à fait, tout à fait. Et je me suis aussi fait piéger, dans la mesure où j'avais le sentiment que cette ville m'en voulait, et je voulais comprendre pourquoi. Et je me suis obstiné, parce que j'aurais pu, par exemple, même malade, j'aurais pu repasser dans le sud de l'Inde, qui n'est pas bien loin, et qui est, je dirais spirituellement, beaucoup plus salubre. Vous savez, Ceylan, c'est quand même une île de mages, et ça fait 2000 ans qu'elle a cette réputation. Dans les rituels de magie indiens, le nom de Ceylan est toujours entouré de précautions scripturaires. C'est une île avec laquelle on ne badine pas. Mais évidemment, moi, j'avais encore l'image victorienne de l'île pour voyage de noces de la gentry anglaise. Et un jour, je me suis blessé à la tête. Et c'est vous avez heurté un poteau. Oui, hein. Et c'est comme si, après avoir rencontré un affreux sorcier, vraiment un personnage déplaisant et patibulaire, j'étais assez égaré, tout commençait à s'embrouiller dans ma tête, et je me suis ouvert le front contre ce poteau qui portait l'annonce d'un petit hôpital, d'ailleurs dégueulasse, d'où s'élevaient des hurlements de douleur toute la journée. Et cette espèce de saignement très abondant, ça m'a vidé la tête d'une quantité de saloperies. Et j'ai sur le champ fait ma valise et je suis parti. Ben, je rappelle les titres alors de Nicolas Bouvier, il était disponible. Il y a d'abord L'usage du monde, qui est un livre publié par les éditions La Découverte. Les autres livres sont publiés chez Payot. On trouve, et le poisson scorpion aussi a été réédité chez Payot. Il a été repris par Payot, oui. Le journal d'Aran et d'autres lieux chez Payot encore. Il y a un livre aussi intéressant qui s'appelle Boissonna, une dynastie de photographes, qui est un livre d'histoire sur quatre générations de photographes à Genève. Une sorte de saga genevoise. C'est un beau portrait de Genève, la ville de la bise noire, votre ville. Et puis il y a un recueil de poèmes aussi. Oui, qui est à la découverte. Qui est à la découverte. Alors, je vous recommande de lire ce voyageur, qui est aussi un écrivain, et je sais bien qu'il aime pas qu'on dise ça, mais je le compare pas, je dis simplement qu'il est de la même famille d'esprit que Michaud et Ségalène. Ben, je vous remercie, Jacques Meunier. Si c'était comme ça, j'écouterais du jour au lendemain tous les soirs. Et du jour au lendemain, Yann Parentehen, Bernard Treton, Alain Weinstein. Bonsoir. C'était Du jour au lendemain, dans la bibliothèque de Jacques Meunier avec Nicolas Bouvier, une émission d'Alain Weinstein diffusée la première fois le 18 janvier 1992 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.